de la suite de la couleur de luxe, j'ai une meilleure plan que ton huc. Devant la porte ça crie police. Avec le fisc et les serflex, il casse ma porte, je casse ma puce. Devant la porte ça crie police. Journée de plus sur la planète, un écho de plus dans la canette. J'suis toujours en guerre avec moi-même, cœur alourdi par le passé. Encore du goudron sur la bavette, quartier devenu désert. Mais qu'est-ce que l'avenir nous réserve? J'suis dans la surface en position. J'suis qu'un gros con, j'attends le pognon. J'suis prêt à finir sous commission. Baiser la vie dans toutes les positions. J'ai soigné mon cœur mais j'ai toujours les mains sales. J'en fais des cauchemars, ça fait flipper ma femme. J'ai soigné mon cœur mais j'ai toujours les mains sales. Même en zombie, j'fais mes affaires au portable. J'ai soigné mon cœur mais j'ai toujours les mains sales. J'en fais des cauchemars, ça fait flipper ma femme. J'ai soigné mon cœur mais j'ai toujours les mains sales. Même en zombie, j'fais mes affaires au portable. Je passe mes journées au charbon. Je serai jamais le prince charmant. Que le danger est imminent, y'a plus personne. Tout le monde s'écarte à la vie, à la mort, jusqu'à ce que l'argent nous sépare. Une journée de plus sur la planète, un écho de plus dans la canette. Ne parlez pas, je suis pas d'humeur. Toute la nuit dans un Uber, je n'irai pas à leur cocktail. Je suis solitaire comme le Joker, déclaré mort par le docteur. Je sors d'un palace, tu sais que la vie n'est pas rose. Surveille ta connasse, je sors calibré jusqu'à l'os. Je démarre le carrosse, je brûle les billets comme des feuilles mortes. La police est call off, quel est mon jouet laissé à mes gosses. Je pars en guerre comme si j'étais au Hez. Je prends une boîte de conserve, je la fous dans une chaussette. Je suis qu'un ancien de l'ancienne, tu sais comment je procède. Mon fiston porte le prénom du prophète. J'ai toujours les mains sales. J'en fais des cauchemars, ça fait flipper ma femme. J'ai soigné mon cœur mais j'ai toujours les mains sales. Même en zombie, j'fais mes affaires au portable. Dans ma zone, n'est plus même les jours d'enterrement. Une convocation pour une affaire vous concernant. Courir après l'argent jusqu'à s'en faire les ligaments. Que des têtes de fils de pute sur tous les billets de vente. Soignez mon cœur mais j'ai toujours les mains sales. J'en fais des cauchemars, ça fait flipper ma femme. J'ai soigné mon cœur mais j'ai toujours les mains sales. Même en zombie, j'fais mes affaires au portable.